la guerre des chansons. Car sur tous les postes, on s'apostrophe, c'est la guerre des chansons. À coup d'harmonica, de guitare sous le bras, ils se dévorent comme des lions, et tout ça à cause de cheveux longs. Moi, pendant ce temps, j'écoute dans le vent le bruit de tes baisers que je vais bientôt, bientôt. Je ne comprends pas, c'est la guerre des chansons. Car sur tous les postes, on s'apostrophe, c'est la guerre des chansons. Ce qui les préoccupe, c'est si la mini-jupe sera encore plus raccourci, ou alors jeté dans les orties. Moi, pendant ce temps, j'écoute dans le vent des chansons d'Angleterre que des Beatles chantent au bord de la mer. Mais je trouve ça bon, cette guerre, seulement dans les chansons. C'est pas la guerre, la guerre des chansons, la guerre des chansons.